Je représente ici le laboratoire ligérien de linguistique des universités d'Orléans et de Tours, qui forme une UMR maintenant avec le service des archives sonores du département d'audiovisuel de la BNF. Nous sommes très, très heureux d'être accueillis pour cette séance spéciale du séminaire ici à la BNF et pour entendre Audrey Vio, qui est une spécialiste des fonds sonores inédits, et qui va donner, lors de cette séance, un exposé sur pratique, description et valorisation en EAD dans le catalogue. Archive et manuscrit. Archive et manuscrit, ici. Donc, Audrey, la parole est à vous. Bonjour. Alors, donc, comme tout est dans le titre, donc déjà, je vais commencer par vous montrer comment accéder à ce... Est-ce que vous m'entendez ? Pas trop, donc je vais monter. Donc je vais déjà vous montrer le chemin d'accès au catalogue, puisque je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le connaissent à la base. Donc en fait, on trouve ce catalogue sur la page des catalogues de la Bibliothèque nationale, et en fait, il est juste en dessous de son grand frère, ici. Voilà. Donc vous y accédez comme ça. Je vais commencer par vous faire une présentation. Par contre, avant tout, c'est un catalogue qui est en ligne depuis 2007, donc il n'est pas si vieux que ça. Et les documents sonores ont commencé à cataloguer dans BAM à partir de 2011, ce qui est encore plus récent. Donc c'est un catalogue au format description EAD, spécifique pour la description d'archives. Et je vais commencer par vous faire une brève présentation des fonds qui sont concernés par ce traitement, vu que vous avez pu remarquer que les fonds sont généralement traités dans le catalogue général, qui est d'un format différent. Alors, ces fonds traités correspondent en gros à deux ensembles. D'un côté, enfin, pas d'un côté, les fonds, on va dire, historiques, qui ont constitué le département de l'audiovisuel, et de l'autre côté, des fonds individuels ou produits par une personne et ou une institution. Alors, ces fonds historiques sont issus des archives de la parole qui ont été créées en 1911 par Ferdinand Bruno. En fait, cette institution avait comme vocation de donner un état de la langue française dans son, si je cite Ferdinand Bruno, je me trompe pas, dans son génie. Donc en fait, on trouve, c'est une institution qui va enregistrer, pour sauvegarder cette parole, des personnes célèbres comme Apollinaire, Dreyfus, beaucoup de gens qui vont être enregistrés pour la qualité de langage. Donc ça va avoir un côté très très linguistique. Mais au fur et à mesure, on va enregistrer aussi des chants, des musiques, et pas seulement qu'en France, aussi de l'étranger. En fait, les fonds historiques correspondent beaucoup à des personnes, c'est-à-dire les directeurs successifs. Donc après Ferdinand Bruno, on va trouver Jean Poirot à partir de 1920, qui va être dans la stricte politique de Ferdinand Bruno, donc très axée sur la langue principalement française, mais il y a aussi des enregistrements étrangers. Et en fait, un tournant va être pris par le troisième directeur, Hubert Pernaud, qui est un helléniste, et qui va ouvrir les collections sur l'étranger, et spécifiquement sur un folklore musical, alors le mot folklore étant à mettre entre guillemets, c'est-à-dire les chants, les musiques traditionnelles, françaises toujours, mais très tournées vers l'étranger. Et cette personne, Hubert Pernaud, va effectuer trois missions à l'étranger très importantes, en 1928 en Roumanie, en 1929 en Tchécoslovaquie et en 1930 en Grèce. Donc ce sont des enregistrements de musique et de chants de ces pays dans leur langue, mais aussi des dialectes, des variantes. Par exemple, le fond roumain va trouver aussi la langue aroumaine, du tzigan, etc. Ces fonds, en fait, vont être suivis au départ d'Hubert Pernaud par une collection, on va dire, un petit peu, qui est un peu la pierre angulaire des collections d'ethnomusicologie, c'est-à-dire celui de l'exposition nationale qui est ici, qui, lors de cette exposition, les pays colonisés, les colonies, donc il y aura des pays d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, vont être enregistrés, beaucoup de chants, mais aussi des récits, des contes, et photographiés. Donc on ne s'est pas contenté de les exposer, mais aussi d'enregistrer et d'analyser leurs traditions culturelles, chantées et parlées. Après, alors, si parallèlement à tout ça, s'il y a un autre fond historique, ce sont les fonds issus des disques pâtés. Entre 1911 et jusqu'à ce que je viens de vous raconter, Pathé dépose des disques, puisque les archives de la parole, j'ai un petit peu oublié de vous le dire, sont un peu fondées avec l'aide d'Émile Pathé. Donc Pathé sera toujours étroitement lié aux archives sonores des archives de la parole et du musée de la parole et du geste. Donc en fait, il y a un fonds qui se dégage qui est consacré aux fonds donnés par Pathé, donc des fonds qui sont constitués d'enregistrements russes et caucasiens, orientaux et arabes, et des méthodes de langue, et puis des disques qui sont de provenance diverse. Donc je reviens après l'expo coloniale. On va trouver les enregistrements du quatrième directeur du musée de la parole et du geste, Roger Desvignes, qui lui va recentrer un petit peu la collecte des enregistrements sur la France, et qui va reprendre ce qu'avait fait, que j'ai oublié de vous dire encore, Ferdinand Bruno, c'est-à-dire des enquêtes de terrain. Il va refaire des enquêtes de terrain en France à partir de 1939, dans les Alpes provençales, la Vendée, la Normandie, et ce qu'il a appelé les croisières folkloriques. Donc on va recentrer un petit peu les fonds sur la langue française. Après lui, ce seront ou des collecteurs à qui on confiera du matériel qui iront faire leurs enquêtes. Mais la phonothèque nationale, la phonothèque en elle-même ne les produira plus elle-même. Donc ces fonds constituent ce qu'on pourrait appeler les fonds sonores historiques du département. Et à côté de ces fonds sont aussi également conservés des fonds donc produits par une institution et ou des personnes. Alors ces fonds sont rentrés sur la volonté du département progressivement. La Phonothèque nationale va favoriser le dépôt de ce genre de fonds qui peut être linguistique, ethnomusicologique. Donc ça va être progressif. Alors là, je les ai un petit peu mis dans le désordre, mais on va trouver des fonds d'ethnolinguistique comme Kulichi, sont des enregistrements corses, des fonds d'ethnolinguistique aussi comme le fonds Geneviève Massignon. Ils ne sont pas là, ils devraient être là, mais ils ne sont pas. Comme celui de Geneviève Massignon qui contient des contes, des chants. Mais aussi beaucoup de fonds qui ne relèvent pas forcément d'ethnomusicologie, mais plutôt de la sociologie, comme des fonds de l'Ours sur l'institution de recherche socialiste, ou encore de la CEITA. Ces fonds sont très variés, ou encore des récits de policiers. Donc ça, ce sont les fonds qui vont être traités dans le catalogue EAD, Archives et manuscrits, puisque ces fonds ont un aspect archive, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'enregistrements sonores, mais aussi de nombreux documents qui les accompagnent, des archives, des fiches d'enregistrement, des photographies, des articles, et on ne peut pas dissocier, pour bien comprendre ces enregistrements, ces documents-là. Donc ils nécessitaient un traitement global. Donc En fait, ce sont des fonds d'archives. Là, je vous ai écrit la définition stricte d'un fonds d'archives. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs documents. Il faut qu'ils soient articulés les uns avec les autres. Et pour cela, le catalogue général de la bibliothèque ne permettait pas. Donc là, je vais faire un petit point sur le catalogue général. Dans ce catalogue sont catalogués le dépôt légal et les disques anciens mais édités. Alors ce catalogue est un format intermarque, on y catalogue des notices biographiques mais aussi des autorités, et en fait il repose sur le principe de documents isolés, ce qui ne correspondait pas vraiment aux besoins de ces fonds, vu qu'on a besoin d'articuler son, image, transcription, Et en plus, on peut que très faiblement hiérarchiser ces documents, ce qui correspondait encore moins aux nécessités d'un fonds d'archives. En fait, on a des niveaux assez, assez généraux, une notice d'ensemble qui va regrouper un grand nombre d'unités. Donc ça ne correspondait pas vraiment aux besoins de ces fonds d'archives de sonores inédites. Alors, je vais faire aussi une petite remarque. Ces fonds historiques, vous les trouverez quand même dans ce catalogue, vu qu'ils ont été ils ont commencé à être catalogués dans, là. Donc, on a bien sûr, pour pas donner une vision incomplète, on continue de les traiter à la notice. Mais pour une question de visualisation des fonds, ils sont également traités dans BAM, contrairement aux fonds d'institutions ou de personnes qui sont strictement et que traités dans archives et manuscrits. Donc ça, je pense que je l'ai dit. Donc pour vous donner une représentation, une image de ce qu'on trouve dans le catalogue général, tout ce qu'on peut trouver, c'est une notice, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, c'est une notice qu'on appelle d'ensemble, donc on décrit une mission. Et quand vous cliquez sur « Voir les notices », vous avez tous les documents, ce qui peut donner des listes assez interminables, ici, de 11 pages. Alors, vous pouvez bien sûr un petit peu affiner le tri par date, si vous utilisez des formulaires de recherche, vous pouvez toujours réussir à trier par pays, mais vous n'aurez jamais une image structurée de ce fond. Vous aurez toujours des extraits, vous ne pourrez jamais mettre en parallèle les enregistrements, voire leur succession ou chronologique ou thématique, ou leur regroupement thématique. Donc pour cela, on les catalogue aussi dans BAM. Alors, là, ce qui est nécessaire pour valoriser un fonds d'archives, c'est au préalable, bien sûr, d'élaborer un plan de classement, c'est-à-dire avoir une réflexion d'ensemble sur les fonds, d'identifier les documents, de les inventorier, d'analyser tout ce qui peut être intéressant à ressortir, d'expliquer leur contexte de production. Alors, comme vous voyez dans les notices d'ensemble, on est assez limité, on ne peut pas écrire énormément sur le contexte. On a une zone de notes, mais c'est relativement insuffisant. Et aussi, donc, pour ces fonds d'archives, d'expliquer le contenu et aussi les relations entre les documents, puisque vous pouvez... Quand vous décrivez un fonds d'archives, certains documents peuvent être mis en relation avec des documents décrits précédemment pour une raison intellectuelle ou matérielle. Et à la suite de ce plan de classement, donc d'avoir un certain recul sur le fond, vous produisez la description archivistique qui s'incarne dans un instrument de recherche. Alors cette description archivistique, elle est encadrée, elle est normée, il y a des grands principes. Donc restituer les fonds dans leur globalité, structurer la description. Alors je vais faire juste une petite incise. Le PowerPoint sera mis à disposition. Donc regardez surtout l'écran, il y aura l'intégrale produit. C'est pas la peine parce que c'est assez long, donc je vais assez vite. Mais je fournis le PowerPoint après. Donc voilà. Ça sera sur le carnet de recherche, le blog qui est dédié au séminaire. On vous enverra les... Voilà, il y aura une petite synthèse, tous les liens que je vais citer. Donc, regardez les écrans, c'est pas... Donc, restituer les fonds dans leur globalité, structurer cette description en fonction de plusieurs logiques. Ça peut être la logique de production, donc... ça peut être une question chronologique, thématique, rendre compte du contexte précisément pour qu'on comprenne mieux les documents qui sont décrits, procéder du général au particulier, bien sûr, et répartir les informations descriptives à différents niveaux pertinents, c'est-à-dire ne pas se répéter, c'est-à-dire ce que vous décrivez de façon générale, ça vaut pour tout ce que vous décrirez par la suite. Donc éviter tout principe de redondance et d'en faire un instrument efficace et compréhensible. Voilà. Et bien sûr, la description archivistique nous permet de décliner ces niveaux quasiment à l'infini. Après, il faut peut-être se limiter pour que ça soit quand même lisible. Mais vous pouvez aller de la collection du fond au sous-fond, en passant par la mission, en passant par le dossier, le sous-dossier, le groupe de documents, la pièce, la face. Vous pouvez aller très loin dans la description. Jusqu'au minutage d'un enregistrement, vous pouvez décrire 5 minutes d'un enregistrement qui en fait 10, et ainsi de suite. Vous pouvez décliner très très finement. Donc cette description archivistique est donc réalisée sous ce qu'on appelle un instrument de recherche, alors que j'appellerai IR tout le long. Donc c'est un instrument de recherche. Un instrument de recherche qui, sa propre définition, dont je vais faire court, hein, un instrument de recherche, je peux le produire ou on peut me le fournir. En fait, l'instrument de recherche, il a toujours existé, hein, sous forme papier antérieurement, sous forme électronique, mais là, on le réalise sous le format EAD. Donc, ces instruments de recherche ont pour but de décrire un fond, aussi de le faire connaître dans son intégralité. Ils ont différentes natures, ils peuvent être synthétiques, souvent lors de rétroconversion, ça peut être des états de fond, des états sommaires, des guides des sources tout simplement, donc c'est assez peu détaillé, c'est un grand sommaire. Ou analytique, ce qui nous concerne ici, donc c'est-à-dire des inventaires, des répertoires, des catalogues. Donc oui, comme je vous disais, ces instruments de recherche ont existé sous forme d'abord papier, électronique, mais leur inconvénient, c'est que était qu'on ne pouvait pas trop les utiliser dans le temps, ils n'étaient pas pérennes. Et en plus, un instrument de recherche papier, il est conservé dans un département. De la même façon, un document électronique n'est pas forcément diffusé très facilement. Donc leur accès était assez restreint, voire confidentiel. Et en plus, sous cette forme-là, on ne pouvait pas faire de lien direct vers les enregistrements numérisés. Ce qui est possible aujourd'hui avec EAD, qui répond à un souci d'outils adéquats, donc à contrario de pérenniser ces instruments de recherche, de maintenir l'accès aux données, de pouvoir partager ces descriptions, de diffuser ces descriptions, en ligne, ce qui est permis par le web quand même depuis un certain nombre d'années, que ces instruments de recherche soient interrogeables, qu'on puisse faire des recherches fines, qu'on ne doive pas chercher la page du sommaire qui correspond à peu près à ce qu'on souhaite, et de créer ces liens vers les documents originaux. Alors, pour traiter ces instruments de recherche avec ce cahier des charges, on a besoin d'un instrument qui respecte les grands principes de la description archivistique. Déjà, sous un angle assez général, de respecter leur forme, leur structure, qui peut être organique ou remodelée selon les besoins pour que le fond soit compréhensible. De restituer une hiérarchie des documents, donc comme je vous disais, du général au particulier, et les relations existantes entre différents documents du fond. De conserver un principe d'héritage, comme je vous l'ai dit brièvement, c'est-à-dire qu'on procède du général au particulier, tout ce qui vaut pour l'ensemble du fond n'est pas répété dans les parties qui suivent, et bien sûr de le publier, de le mettre à jour, de l'enrichir progressivement, et de les conserver. Alors, donc, tout ça, on le fait dans Archives et Manuscrits, qui utilise comme format de description l'EAD. Alors, c'est BAM, je vous disais, c'est un catalogue qui est en ligne depuis 2007, mais en fait, on produit dedans depuis 2002. Ce sont les départements spécialisés qui produisent dans Archives et Manuscrits. Les manuscrits occidentaux ont ouvert la production. Et donc, nous nous sommes greffés depuis 2011 dans ce catalogue. Et je trouve ma page. Voilà. Donc on produit depuis 2002, mais en fait c'est un format qui existe quand même depuis assez longtemps, qui a été créé, on va pas dire créé dans les au tout début des années 90, mais amorcé, réfléchi pour dépasser un format qui existait pour la description archivistique qui s'appelait marque AMC, mais qui ne permettait pas justement cette infinité de niveaux de description. Donc en fait, ils ont commencé à réfléchir sur un nouveau format Donc en 95, l'EAD est créé officiellement, première version 98, et la deuxième publication du format a lieu en 2002, c'est la version qu'on utilise actuellement. Voilà. Donc juste pour le détail, c'est un standard qui est libre, c'est-à-dire qu'on ne paie pas pour l'utiliser, et qui est maintenu par Chicago. C'est un outil qui a été très très vite adopté par la majorité des gens qui produisaient des fonds d'archives, qui est suivi au niveau international mais aussi français, qui nous communique les modifications, l'évolution du format, les perspectives, et qui a créé un schéma de description en format XML, qui a créé une DTD, c'est une espèce de mode d'emploi de contraintes à suivre pour qu'on ait à peu près tous la même façon d'écrire, et depuis janvier, un guide des bonnes pratiques est en ligne. Alors tous les liens vous les retrouverez dans le document que je fournirai à Caroline. Alors juste pour le regarder, il est ici. C'est un guide qui a nécessité pas mal de travail, beaucoup de collaboration entre professionnels des archives, qui venaient d'institutions très différentes, qui avaient des fonds d'archives très différents, des pratiques différentes. Et en fait, ce guide a été élaboré pour harmoniser ces pratiques, un petit peu nettoyé aussi dans le flot de descripteurs, ce dont on avait réellement besoin, qui correspondait à une pratique archivistique française, que d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes conventions pour décrire les archives. Donc ce site permet d'avoir un mode d'emploi de l'EAD simple. Ce guide propose à chaque fois des exemples concrets pour décrire. S'il veut bien marcher, il ne marche pas. Voilà, si, il marche. Donc en fait, vous cherchez par grande partie de description et vous pouvez faire des recherches, décidément, des recherches par mots. Si vous cherchez par exemple comment localiser votre document, vous tapez localisation, le guide vous donnera le descripteur à utiliser pour décrire ça. Donc, je reste pas trop longtemps dessus. Et je passe, alors c'est la partie un peu technique, peut-être un petit peu sèche de cette présentation, au format XML, ses avantages pour décrire ce genre de fond. Bon, je ne sais pas si beaucoup de gens dans cette salle pratiquent ce genre de format ou le connaissent un petit peu. Donc, je vais faire ça de façon simple. Hein. C'est un format, l'XML, de balisage qui est un fils d'un langage, on va dire, d'un niveau supérieur, le SGML, qui crée simplement des balises, l'XML permettant un langage de balises qui peut s'emboîter, c'est pour ça qu'on l'appelle extensible, c'est-à-dire qu'il présente l'information encadrée dans des balises. Dans le format XML, le texte est structuré. Alors, je vais vous donner des exemples pour comprendre quelque chose qui est très abstrait. Dans le format XML, le texte est structuré en éléments. Alors, un élément, c'est simplement encadré dans une balise une chaîne de caractères, un contenu, une information, et signifier par exemple, pointe une information qui est relative, par exemple, à la description matérielle, ou alors à un titre, ou alors à une bibliographie. C'est-à-dire qu'on encadre un texte, une information dans ses balises pour signifier qu'elle a un sens très précis, son contenu a un sens très précis. Donc, par exemple, si je veux décrire ce petit texte, si je veux décrire un ensemble de 143 disques, 78 tours aiguilles de 25 cm, alors je vais l'encadrer dans un élément qui est introduit par une balise. Alors ça, c'est une balise, encadrée par ce petit signe-là. Alors une balise, c'est toujours entrant et sortant. On fonctionne toujours par des couples de balises. Et l'information, elle est ici. Donc là, c'est une simple chaîne de caractères, donc les 143 disques, leur technique et leur diamètre. Cette balise, en fait, donc, est porteur d'un sens. Ici, elle signifie la description physique. Donc, en fait, dans le langage XML, on ne dit pas description physique, on dit FizzDesk. Alors là, j'ai simplement écrit la chaîne de caractères. Mais en fait, ces balises ces balises, comme elles sont, elles peuvent s'emboîter, on peut préciser le contenu. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un simple chaîne de caractères à une information qui est structurée en plusieurs parties plus finement. Donc, par exemple, dans le même exemple, au lieu de mettre une chaîne de caractères, là, je vais encadrer mon texte, je vais signifier des informations différentes dans cette chaîne de caractères. Donc, je vais utiliser une balise pour signifier le nombre d'unités, le genre du support, la technique, le diamètre. Alors visuellement, je l'ai présenté comme ça pour que vous rendiez compte que l'information, elle est hiérarchisée. Vous avez un premier niveau ici de description matérielle, le sens global des informations qui sont contenues. Et ensuite, vous avez un second niveau qui décrit des informations plus précises. Un nombre, un support, une technique. Et tout ça crée une hiérarchie de l'information dans une même balise. Et donc, ces éléments sont emboîtables à l'infini. Donc, vous pouvez créer sur un simple texte, vous pouvez créer une hiérarchie très très fine, une description, qui peut donner ceci. Donc, je choisis d'encoder ce petit texte, mission phonographique en Roumanie, avec ses dates, ses cotes, sa description matérielle et ses langues. Donc, en fait, vous allez procéder de cette façon. Il y a un élément général d'identification, une description, dans lequel vous allez inclure d'autres éléments relatifs à la cote, au titre, aux dates, à la description physique, qui contient elle-même d'autres éléments plus précis, et ainsi de suite, les langues, et on ferme la balise. Tout ça représente ce qu'on appelle un élément racine, où un même genre d'information est contenu. Je ne sais pas si je suis assez claire. Ça va, d'accord. Alors ça, c'est ce que vous voyez du côté public. Et en langage XML, ça donne ceci. L'identification et la description est contenue dans un élément DID, qui est toujours obligatoire, vu qu'on doit toujours identifier et localiser un document. Et après, chaque balise a un nom spécifique. Et chaque balise peut, ou pas, selon qui catalogue ou selon les besoins, avoir un attribut. Donc en fait, dans l'écran précédent, je lui avais signifié que c'était la cote, mais en langage, c'est une balise à laquelle on attribue l'attribut cote, qui précise le sens de l'information. Donc vous pouvez normer, préciser les informations qui sont contenues. Par exemple, les dates, on encode toujours de façon normalisée. On précise que c'est calendrier grégorien, l'ère. Et en fait, tout fonctionne de cette façon. Voilà. Vous voyez, là, toutes les balises ont systématiquement un attribut qui spécifie leur contenu. Support, technique, diamètre. Parce que c'est une dimension, mais c'est avant tout un diamètre. Et pour les langues, c'est exactement le même système. Alors, l'avantage, donc, comme vous avez pu le voir, c'est l'information est structurée. L'XML décrit donc une structure, une hiérarchie d'informations, mais il décrit aussi les données. C'est-à-dire qu'il ne crée pas qu'une hiérarchie, il peut le décrire d'un contenu sémantique précis. Et l'avantage, c'est que quand vous avez besoin d'exporter votre document qui est créé en XML, il transporte les deux. Donc en fait, vos données ne seront jamais flottantes, elles seront toujours hiérarchisées et la structure de votre instrument de recherche toujours conservée. Donc sur le principe, il est exportable dans le fond et la forme. Quel que soit le logiciel employé pour le publier, vous avez à la base un document en XML qui est gravé dans le marbre et votre fond est structuré de cette façon-là. Alors là, je l'ai mis en italique parce que vous pouvez retrouver ces informations sur les pages professionnelles de la Bibliothèque nationale. Vous avez un onglet qui s'appelle outils professionnels ou quelque chose comme ça. Et en fait, vous avez une définition très stricte des formats. Et en fait, je faisais juste un point sur le fait que l'XML a rendu assez simple. Le rendu ressemble beaucoup à un texte imprimé. Il est assez peu contraignant parce qu'il est inspiré d'un format précédent, ce qui s'appelait la TUI, qui n'était fait que pour encoder du texte. Par exemple, dire dans un texte si c'est du parler, du chanter, du fredonner, etc. Donc en fait, ce qui fait que l'EAD a un modèle très proche d'un texte, simplement, qu'il est adapté à des fonds qui sont de toutes sources, en fait, de contextes divers. Vous aurez pas, c'est très peu contraignant. Il s'adapte aussi bien à des fonds de sociaux que de sons, que de manuscrits, que de spectacles. Il y a pas de, il est très souple comme schéma. Et ce schéma donc combine, comme je viens de vous le dire, une description structurée et d'encoder des données, des informations, les deux. Alors, ce format structure le texte, le signifie, mais il ne le met pas en forme pour le public. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai hiérarchisé les balises, mais en fait, un vrai document XML, tout est à la suite. Ça fait un paragraphe non formé, pas paragraphé. Donc, c'est assez illisible. Donc, il faut une feuille de style pour le rendre publiable et abordable. Et donc pour cette publication, on utilise une feuille de style, un programme et donc un logiciel qui le rend public. Donc on configure en fonction des besoins et des envies. Donc pour travailler, il faut un format XML, une mode d'emploi, donc la DTD, et une feuille de style. Voilà. Est-ce que j'étais... Alors, pour ceci, donc l'environnement de travail de la Bibliothèque nationale, je vais faire très court, hein, parce que ce n'est pas trop le sujet qui nous intéresse. Donc, pour produire dans BAM, on a un format donc XML et on a trois logiciels. On a un premier logiciel qui s'appelle PixML, comme il porte très bien son nom, c'est-à-dire produire ses instruments de recherche. Il sert à gérer les fichiers, c'est-à-dire les créer, leur appliquer un modèle. Donc, ce qu'on appelle un modèle, c'est que il existe des modèles pour les archives, pour les arts du spectacle, pour les manuscrits, pour qu'on ait à peu près une description, pas à peu près, pour qu'on ait une description commune, qui ne soit pas variant d'une personne à l'autre. Ce logiciel permet de déplacer les fichiers, c'est-à-dire qu'on peut. Si on s'est trompé, si on veut en ajouter, modifier la structure de son instrument de recherche, on peut les déplacer sans avoir tout à supprimer ou à copier-coller, et ainsi de suite. Et donc, il sert aussi à les envoyer vers le logiciel qui va les publier sur archives et manuscrits. Alors, j'avais fait une copie d'écran. Je vais peut-être rester dessus au lieu de passer sur l'application directe. Je ne sais pas si vous voulez voir en... Si, bon. En fait, le logiciel ressemble à ça. Donc, vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle un composant. Là, c'est les composants qu'on a créés au fur et à mesure. Donc, en fait, on ajoute, on définit un niveau. Vous voyez qu'ils n'ont pas tous le même niveau, ils s'emboîtent. Donc, on crée la structure dans ce logiciel. On crée les composants, les sous-composants. Et pour faire cela, on a besoin d'un second logiciel pour saisir les données, justement, et pour les supprimer aussi. Un deuxième logiciel qui s'appelle XMetal, donc qui a cet aspect-là. Et en fait, qui nous simplifie beaucoup la vie, vu qu'on n'a pas à saisir nous-mêmes les balises entrantes, sortantes, ce qui rend pratiquement impossible toute erreur d'encodage. En fait, les balises sont représentées par ces petites choses colorées dont la couleur varie selon le genre. En fait, vous avez une liste de balises qui est disponible ici. Vous choisissez celle dont vous avez besoin. Donc, faut un peu s'habituer à la signification des balises, mais ça, elles sont assez parlantes. Vous cliquez, vous agencez vos balises comme vous voulez, vous rentrez les données dedans et vous validez votre création. Ce qui donne ceci, en aspect un peu plus abordable. Donc une fois ce travail fait, donc de création de structure, de création de composants, de sous-composants, on utilise un logiciel de publication qui s'appelle Pléiade, qui donc sert à les publier, mais aussi à les rendre interrogeables par des formulaires de recherche. et qui affiche les données, bien sûr, qui propose différents types de recherches, des recherches multicritères par un formulaire général, mais aussi des formulaires, des recherches par index. Alors là, je vais peut-être quand même passer sur le site en direct, ce sera peut-être quand même plus facile. Donc en fait, Pléiade vous propose plusieurs modes de recherche. Donc vous avez un formulaire de recherche ici. Dans les collections, vous avez des index et vous avez également une zone en recherche libre par mots-clés. Donc, qui peut être très utile, mais qui peut aussi vous donner un peu trop de résultats. Donc on préfère fonctionner ou par index ou par formulaire de recherche. Pléiade, c'est à peu près le logiciel qui est utilisé par la majorité des producteurs d'archives. Donc nous, on a la version 2002, mais la dernière version, je crois, s'appelle 2003.5. Donc on n'a pas la version la plus récente. Et en fait, c'est un logiciel qui est également libre de diffusion, qui à la base a été créé par les sociétés Anaphore et AJLSM, voilà, et qui est très pratique, qui a une ergonomie assez satisfaisante, et qui donc c'est celui que vous trouverez en majorité dans les institutions produisant des fonds d'archives. Alors, si je voulais faire un petit point quand même pour comparer, en fait, ce que vous trouvez ici, l'arborescence, la partie de description de composants, vous le retrouvez strictement dans l'affichage public, une version plus jolie, mais vous le retrouvez systématiquement composé de la même façon. Alors, pour les formulaires de recherche, le formulaire de recherche vous propose, alors ça c'est sur la page principale, hein, c'est un formulaire qui vous permet d'interroger les fonds d'un ou plusieurs départements en même temps, selon des critères qui sont préétablis, pour lesquels vous pouvez rentrer du texte libre, mais aussi utiliser des index qui sont également prédéfinis. Vous pouvez rentrer directement aussi un terme, mais il faut mieux vérifier qu'il est disponible dans l'index, sinon votre recherche donnera un résultat nul. Je ne sais pas si ça marche. Ça ne s'affiche pas très bien aujourd'hui. Donc on va peut-être laisser tomber celui-là. Alors, vous pouvez procéder comme ça. Donc vous pouvez choisir de chercher dans un seul département. Dans un service spécifique de département, vous pouvez cocher plusieurs pour essayer de croiser les recherches. Sinon, vous pouvez procéder. Là, déjà, il faut avoir repéré un petit peu ce que vous cherchez. Hein. Vous pouvez chercher alors directement dans un instrument de recherche spécifique. On va choisir le fonds des archives sous la direction d'Hubert Pernaud, par exemple. Vous pouvez chercher, alors vous pouvez chercher par ce que je vais appeler par curiosité. Vous pouvez ouvrir l'arborescence et ça ne marche pas aujourd'hui. C'est pas ça. Décidément. Bon, normalement vous pouvez agrandir cette arborescence et faire en sorte que ça soit un peu plus facilement lisible. Bon, on ne peut pas aujourd'hui, tant pis. Mais en fait, bon, vous pouvez chercher un petit peu par curiosité. Vous avez les grands sous-ensembles qui clairement signalés par les petites croix. En fait, on distingue. Donc là, trois grands sous-ensembles, enfin quatre, mais il y en a deux qui ne sont pas encore traités, donc j'en parle pas. Donc, vous êtes intéressé, par exemple, par la mission, bon, par exemple, est un peu fausse, que j'ai bien choisi ce que je vais vous présenter, mais vous choisissez de prospecter un petit peu dans le fond de mission ethnophonographique qui s'est déroulée en Roumanie en 28. Vous déroulez ainsi l'arborescence, vous voyez qu'il y a des sous-dossiers, donc on va procéder ici par thématique, on va d'abord décrire tout ce qui est discours, ensuite on va choisir de traiter les enregistrements plus par questions géographiques, par genre, par thématique géographique. Donc vous en avez on peut chercher comme ça, ou alors on peut utiliser ce qui est disponible dans le deuxième petit onglet. On peut utiliser les index. Vous voyez qu'il y a différents types d'index. Alors, Pléa 2002 propose des index pas très étendus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des index très très fins. Par exemple, faire des index qui ne concernent que les collecteurs, que les interprètes, etc. Ça, on ne peut pas le faire. On distingue personne non sujet et personne sujet. Donc, c'est lors d'un premier abord, ça peut être un petit peu compliqué. Mais bon, quand on déroule, on comprend ce dont on parle. Donc en fait, vous les déroulez, c'est classé par ordre alphabétique. Donc vous avez les types de documents. Alors ce qui est appelé type, qui n'est pas très parlant, il s'agit des grands genres de documents, c'est-à-dire enregistrements sonores, images animées, imprimé, des choses, c'est un genre, on va dire, générique. Et les types de documents, c'est là que vous allez vraiment trouver les disques. Alors ici, c'est que des disques, donc ça se limite à ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais après, vous allez trouver les personnes, les lieux, les sujets. Ici, comme c'est une collecte d'ethnomusicologie, vous ne le trouverez pas, mais dans certains instruments de recherche, vous trouverez un index par titre. Par exemple, dans le fond des méthodes de langue, sont enregistrés les grands auteurs de la littérature française, donc vous trouverez une indexation plus spécialisée sur les titres. Certains fonds, on axe beaucoup plus sur les types de supports. Selon votre fond, vous adaptez un petit peu aussi vos index, qu'ils soient plus pertinents. Et donc, vous avez la troisième solution, la recherche par mots-clés, que je ne conseille pas forcément. Ça peut aider, mais quitte à procéder par mots-clés, je trouve qu'il faut mieux passer par le formulaire de recherche que je vous ai présenté au tout début et croiser un mot-clé avec un pays, un type d'enregistrement, mais un type de support. Mais une recherche par mots-clés, sauf si vous savez vraiment ce que vous cherchez, sera un petit peu aléatoire. Et pour peu qu'il y ait une faute, comme ça peut arriver, de caractère, ça vous fera perdre des données, des critères de recherche. Donc ça, ce sont les différents modes d'interrogation d'un instrument de recherche. Après cette petite présentation de l'environnement de travail, on va rentrer plus précisément dans la définition de l'instrument de recherche. Donc en fait, que contient un instrument de recherche décrit dans Pléiade ? Il contient trois types d'informations. Des informations relatives à l'instrument de recherche, donc très général, c'est qui l'a produit, où, quand, comment, quel format employé. Ce qui est décrit dans ce qu'on appelle l'élément editor, donc c'est encore très parlant, mais on va passer sur un exemple. Donc là, je vais vous le montrer sur l'interface PixML parce que c'est là que vous voyez les balises et pas ailleurs. Donc on va retomber sur le fond Perno. Là, ça se déroule. Voilà. Donc, on ouvre l'instrument de recherche. Donc à ce niveau-là, dans ce premier ensemble d'informations, vous trouverez un identifiant d'instrument de recherche. Il y en a obligatoirement un puisque vous en avez besoin si vous voulez faire un export dans un autre, signaler un fonds, vous avez besoin de cet identifiant pour qu'il soit retrouvé facilement, que cet instrument de recherche soit retrouvé facilement. Vous donnez un titre, quel type d'inventaire, donc ici c'est un inventaire analytique, enfin un instrument de recherche analytique. Les gens qui ont rédigé ou participé à sa conception, qui détient le fonds, qui le conserve, la date de création de l'instrument de recherche, sa langue, le format employé. Voilà. Donc ça, c'est le premier type d'information que vous pouvez trouver. Le second concerne des informations relatives à l'ensemble du fonds. Donc, c'est-à-dire qu'on va appeler ça un grand chapeau de présentation. Donc on va trouver tout ce qui... Alors ça se décrit dans l'Archdesk. Donc on va retrouver tout ce qui vaut pour tout le fonds. Donc on va trouver bien sûr des éléments, un titre, des éléments de description, identification, des codes, des dates, le type de support qu'on peut trouver dans ce fonds, les langues, mais également, et c'est là que c'est intéressant, des éléments de contexte, d'enrichissement, de présentation d'un fonds. Donc une bibliographie, une présentation, vous n'êtes pas limité dans la présentation bien sûr. Une histoire globale du fonds, de ses contenus. Vous trouverez des indications sur le traitement du fonds. Donc là, je signifie qu'on trouve également les documents décrits dans le catalogue général. On peut également signifier que le fonds n'est pas totalement fini, qu'il est en cours de traitement documentaire, ce qui peut servir pour aux chercheurs, parce que s'il tombe sur un fonds, il n'y a aucun résultat. Peut se demander s'il y a un problème, il a mal cherché ou je ne sais pas quoi. Là, on peut informer sur l'état de traitement, donc ce qui est relativement important, intéressant. Et notamment, si on veut signaler les fonds sans pour autant avoir le temps de les traiter dans leur intégralité. Donc, ça évite de garder secret ou trop longtemps méconnu des fonds. On les signale, on en donne une description globale. On signale qui contacter si besoin de consulter ces fonds, les conditions de consultation et de reproduction. Donc par exemple, ici les fonds historiques sont libres d'accès, donc sont libres de droit, donc il n'y a pas de souci, mais par exemple des fonds de collecteurs ou d'institutions plus récents, on peut signaler que ces fonds sont partiellement consultables, que certains documents sont consultables dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Ce qui peut bien aider le chercheur à déjà trouver ce qu'il veut et en plus comprendre pourquoi certains documents ne sont pas visibles dans l'instrument de recherche ou alors qu'il pensait les trouver. On signale également les substituts, on va dire, numérisés, et où les trouver. Donc ici, c'est forcément Gallica. Et une bibliographie relative au fond. Alors, le troisième type d'information, là, on rentre vraiment dans le sujet, c'est vraiment la description des documents. Alors, on va trouver... comme je vous montrais, ça fonctionne par dossier. Alors, le choix de description se fait vraiment en fonction du fonds. C'est-à-dire que vous avez des fonds, le classement existe de lui-même. Par exemple, des fonds d'enquête, vous n'allez pas déconstruire un fonds pour, par exemple, les classer les documents par date. Un fonds d'enquête, une enquête, c'est un dossier avec un enregistrement, des papiers qui vont avec et des données. Donc vous allez garder un plan de classement, faut appeler quasiment organique, hein, vous n'allez pas remodifier. Après, vous avez des ensembles de documents qui nécessitent quand même un petit peu un classement par thème. Donc vous allez créer des dossiers où vous allez répartir par sujet les documents qui sont présents. Donc c'est ces dossiers. Hop. Attends, un petit truc qui va pas. Ces dossiers contiennent alors des éléments également d'identification et de description. En fait, vous allez retrouver d'un niveau à l'autre à peu près les mêmes balises, les mêmes demandes. Certaines sont obligatoires. Les cotes, etc., sont obligatoires. Et en fait, vous redécrivez toujours de façon plus précise vos informations en éliminant celles que vous avez décrites au-dessus. Par exemple, quand on a dit qu'un fonds est libre d'accès, libre de droit, c'est pas la peine de le répéter à chaque fois. C'est signifié plus haut. La biographie globale est signifiée plus haut, donc on ne se répète pas là-dessus. Voilà. Donc ça va se décliner par exemple en sous-fonds, en fonds, en collection, en dossier, en sous-dossier, en groupe de documents, en pièces. Vous pouvez après au niveau des termes en archives, vous êtes à un moment bloqué pour donner un niveau, quoi. Je veux dire, à un moment c'est vous avez certains termes, vous avez dossier, sous-dossier, mais après vous pouvez pas en inventer. Donc votre description, plus elle est fine, moins vous pouvez signifier des niveaux. Hein. À un moment, vous devez vous arrêter. Donc, en fait, je vais repasser sur le PowerPoint. Ça marche. Alors, l'autre avantage de ces instruments de recherche, contrairement aux instruments de recherche papier ou PDF, etc., c'est donc l'indexation de ces documents. Une indexation, c'est quand même ce qui sert à créer des index, mais aussi à normer des termes contenus et vraiment à rendre un instrument efficace. Alors, cette indexation donc permet de chercher de façon dynamique dans ces ensembles de documents quand même qui peuvent être très conséquents, donc d'affiner une recherche assez rapidement. Cette indexation se procède par des balises spécifiques dédiées à l'indexation. C'est celle qui génère les index que vous trouvez en arborescence latérale. Alors, cette indexation se fait ou au fil de texte, c'est celle qu'on privilégie, ou alors ce que j'appelle en accès rejeté, ce qui n'est pas tout à fait le bon terme. Et par exemple, quand vous indexez un nom de personne, que cette personne est à la fois collecteur et en même temps éditeur ou participant, les balises ne permettent pas de mettre plusieurs rôles. Donc dans ces cas-là, on indexe une première fois dans le texte et après on fait des indexations rejetées avec les différents rôles de cette personne. Donc, vous avez différents types de balises, qui concernent les noms de personnes, de collectivités, de lieux, de sujets, de types de documents. Voilà, comme exemple, ici, on va prendre un autre sous-fond du fond d'Hubert Pernaud. J'en profite pour faire un petit peu d'histoire. En fait, ce sont des disques donnés par Pernaud, par ses connaissances. Il a eu des collections et en fait, il les a légués au Musée de la Parole et du Geste. Donc ici, c'est une collection indienne, une collecte linguistique. Donc, vous voyez que ces balises d'indexation encadrent le texte, naturellement. Et là, ici, par exemple, vous avez... Je ne sais pas ce que je voulais faire... Voilà. Ici, on va avoir par exemple une balise persname, donc ça en fait ça encode un nom de personne. Vous avez la source, je ne sais plus si je vous ai dit que c'était des balises qui étaient gérées, tirées des fichiers d'autorité. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Bon, je vais repartir un tout petit peu en arrière. Voilà, on utilise toujours dans un souci de normer les choses, d'avoir tous les mêmes termes, de ne pas faire des variantes qui généreraient un peu de bruit, qui ne permettraient pas d'arriver forcément à un résultat exhaustif. On se doit d'utiliser des fichiers d'autorité, ce qu'on appelle des fichiers des référentiels nationaux. Donc ici, bien sûr, on utilise les autorités BNF. Enfin, des bibliothèques nationales, mais on utilise également Rameau. Je ne sais pas si vous connaissez ces langages d'indexation. C'est ce que vous trouvez quasiment dans toutes les notices de livres, hein, dans le Sudoc. Ce sont des balises qui peuvent traiter aussi bien d'un auteur, d'un sujet, d'un titre. Et en fait, nous, Rameau, on l'utilise exclusivement pour les balises de sujet. Et les autres autorités étant prises dans le catalogue général. Donc vous avez donc des balises consacrées aux personnes. Donc vous avez la source, fichier d'autorité de la Bibliothèque nationale, et le lien vers la notice d'autorité, un lien pérenne ARC, qui vous permet, quand vous êtes en mode public, de rebondir directement dans le catalogue. Vous avez également des liens, on va dire, géographiques. Là, on utilise Rameau. Même système, c'est des liens pérennes ARC. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez avoir des accès, ce qu'on appelle rejetés. Donc là, il y a une balise spécifique. Donc, ça se situe après le texte. Hein, mais se retrouve en index également. Donc, en fait, sur la version publique, ça donne ça. Alors, je vais repasser sur le catalogue d'âme. Alors, le fond du don, voilà. Et la collecte indienne, voilà. Donc, concrètement, vous allez voir ces indexations en bleu, accompagnées d'une petite icône. Quand vous cliquez sur cette icône, vous êtes dirigé vers la notice dans le catalogue général. Si vous cliquez, là, c'est pas pertinent parce que je sais que c'est ce terme utilisé ici. Si vous cliquez sur la balise en elle-même, l'instrument de recherche vous ressortira tous les composants, c'est-à-dire les dossiers qui comportent cette indexation. Donc, on va faire par exemple une petite démonstration. Vous arrivez dans la notice d'autorité de la Bibliothèque nationale. Donc, vous avez la description de la personne, enfin, les informations relatives à cette personne. Ce qui est intéressant dans ce sens-là, c'est que si vous cliquez sur voir les notices, vous allez voir tous les documents relatifs à Grierson en catalogue général, ce qui vous permet dans votre recherche de rebondir. Par contre, le petit inconvénient actuel, c'est que on peut aller de BAM vers catalogue, mais pas du catalogue vers BAM. Le lien n'est pas réciproque, ce qui est assez gênant, même très gênant. Et donc on a pour l'instant, pour pallier à ça, mais je pense que ça parle pas à grand monde à part nous, il y a une zone qu'on a ajoutée qui nomme le fond. Qui nomme le fond où cette personne est indexée. Donc ici, BNF, département de l'audiovisuel, archives de la parole, dont Hubert Pernaut. Mais on ne peut pas citer un autre nom de catalogue dans un catalogue. Donc on ne peut pas mettre archives et manuscrits. Donc ce qui fait que les gens, quand ils viennent nous voir en banque de salles, ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc mènent l'enquête. Donc on leur signifie que ça veut dire que tout simplement c'est traité dans archives et manuscrits. Mais ce n'est évident que pour nous. Donc pour l'instant, tant que ce n'est pas réciproque, ça, c'est un petit peu gênant. Et actuellement, mes collègues qui s'occupent de ça essaient de trouver une solution pour améliorer l'articulation entre indexation et fiche d'autorité. Et consulter en bas, c'est quoi? En bas, oui. Consulter en bas. Ah, ça, c'est des notes. C'est pour les sources, parce que quand on crée une notice, on doit toujours indiquer sa source, son indication. Donc en fait, là, consulter en vain, c'est une référence qui m'est un peu obscure. Mais ça veut dire, parce qu'en fait, il y a des sites de référence pour trouver des informations. Vous avez VIAF, vous avez la librairie du Congrès à Chicago. Donc il y a des sites clés comme ça où les gens vont systématiquement voir ce qui est déjà décrit. Et en fait, quand ils n'ont trouvé aucune information sur un site qu'on est censé consulter systématiquement, il le signifie. Et ça, c'est des zones strictement utilisées dans les fiches d'autorité. Et vous devez toujours indiquer effectivement une source pour créer une fiche d'autorité. Le document d'origine et puis la bibliographie si possible. Pour prouver que vous n'aviez rien inventé et pas brodé. Voilà. J'ai bien compris la forme rejetée quand c'est un rôle. La balise, l'indexation rejetée, ouais. En fait, c'est on privilégie une indexation au fil du texte, au fur et à mesure de la description. Et en fait, vous pouvez, par exemple, une personne, elle peut être participant, interprète, mais elle peut être également collecteur. Et en fait, on ne peut pas mettre deux rôles. Donc en fait, il faut refaire l'indexation. D'accord. Donc, solution 1, vous arrangez dans votre rédaction pour redire le nom, et à ce moment-là, c'est bon. vous tournicotez un petit peu et c'est un peu lourd à lire, ou tout simplement vous faites une seconde indexation en rejeté. Voilà. Il y a l'indexation dans le texte et les indexations en dessous qui ont strictement la même valeur, qui sont indexées de la même façon, mais qui correspondent. L'indexation rejetée, donc c'est pour quand une personne, un sujet, enfin, oui, surtout les personnes ont un autre rôle ou des rôles multiples, ou alors pour éviter de faire des textes un peu abscons, certaines. Enfin, vous écrivez naturellement dans votre composant, vous n'allez quand même pas écrire en fonction du titre d'une autorité, parce que des fois ça peut donner des choses un petit peu lourdes. Donc par exemple, vous décrivez qu'il y a des chansons et des danses collectées dans cette région de l'Inde, etc. L'autorité est formulée, enfin la vedette Rameau est formulée de cette façon, chanson traditionnelle Inde. Normalement, dans le texte, le texte doit correspondre à ce que vous indexez. Donc là, vous n'allez pas écrire chanson traditionnelle-Inde. Donc en fait, ça, comme ça ne colle pas au texte que vous avez écrit, c'est bien le sujet, c'est bien la notion que vous décrivez, mais ce n'est pas la chaîne de caractères qu'il faut. Donc en fait, ça, vous l'indexez en rejeté. Ce que j'appelle en rejeté, on appelle ça des accès contrôlés. Contrôle access, accès contrôlé. Mais c'est très technique, c'est vraiment une question de pratique. Enfin, moi, je ne souhaite pas contraindre mon texte à un titre de vedette ou d'autorité. Parce que sinon, c'est illisible. Ça doit être quand même assez accessible. Donc en fait, c'est uniquement pour ça. Rejeté, ça veut dire mise à la fin et non, oui, pas refuser, c'est ça. Voilà, c'est pas refuser, c'est se déplacer dans la structure du composant. Projeter. Voilà, c'est ça. Donc, je reviens sur le point. Ça, on l'a vu. On l'a vu aussi. Les modes de recherche, je vous les ai présentés. Je rappelle juste qu'en cliquant sur le texte et non pas sur l'icône, vous allez circuler dans tous les composants qui contiennent la même indexation. Donc là, si vous êtes dans l'IR, l'icône vous fait sortir de l'instrument de recherche. Donc il faut naviguer. Alors, je vais faire... Est-ce que j'ai le temps de faire une recherche ? Oui. Donc, je vais essayer de vous montrer un exemple d'indexation directe. J'essaie de retrouver ma page, voilà. Je crois pas que vous avez donné d'exemple. Donc, c'est très simple. Hein, vous cochez les départements qui vous intéressent. Donc, par exemple, de visuel et les arts du spectacle. Puis, comme on a des types de documents communs, généralement, on cherche un des deux. Par exemple, vous recherchez des documents sur l'occupation dans la Seconde Guerre. Normalement, vous utilisez l'index, mais là, je vois que ça rame un petit peu, donc je vais m'en passer. Et vous obtenez une liste de résultats infernale. 157 résultats. Là, c'est aussi un petit bémol sur l'application, c'est qu'auparavant, les résultats étaient au moins rangés par département. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, vous avez une liste de résultats comme ça. Donc en fait, quand vous avez des résultats comme ça, faut mieux décocher un. Vous choisissez d'avoir que l'audiovisuel, que le son. Et vous validez. Déjà, ça réduit. Bon, pas mal. Mais je sais que c'est pas mon mode de recherche préféré. Je préfère rechercher par les collections. Donc dans ces cas-là, je passe plutôt par la collection. Voilà. Donc les collections, on les a classées par ordre chronologique. Donc les fonds sont assez clairement exposés. Vous avez en premier les fonds historiques et après les fonds individuels ou d'institutions. Pour l'instant, vous voyez, il y a une majorité de fonds historiques. Là, ce sont 3 instruments de recherche qui sont publiés, mais de nombreux autres sont à venir. Hein. Donc, une fois que vous avez sélectionné le fonds qui vous intéresse, donc là, on va un petit peu changer, parce que pour l'instant, j'ai juste utilisé les fonds historiques, mais je vais peut-être me rapprocher de fonds qui vont qui ressemblent un peu plus à des enquêtes qui vous concernent un petit peu plus au niveau linguistique. Donc je vais choisir les instituts policiers, c'est un fonds d'enquête assez récent qui ne marche pas décidément. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Souvent, en faisant ouvrir dans un autre onglet, ça marche. Oui. Clic droit. Et... Voilà, merci. Voilà. Donc là, c'est un fonds d'enquête qui a été réalisé dans les années 2000. Donc, vous avez. Juste pour la forme. Ça marche toujours pas. La première collecte, la seconde collecte, la première collecte décrit dossier par dossier, hein. Les entretiens, et dans les entretiens, on vous décrit le son, la retranscription, et ainsi de suite. Donc, dans ce fond, vous avez également un index, là c'est ce qui nous concerne, vous avez un index de type de document, de personnes, personnes sujets, et ainsi de suite. Si par exemple, vous ne voulez que les articles de presse, vous cliquez, vous obtenez ce résultat. Alors c'est toujours pareil quand les termes sont en surbrillance bleue, vous arrivez directement au composant concerné et le résultat est toujours restitué dans sa hiérarchie. C'est-à-dire que le DON, la code don du visuel retranscription des entretiens, vous savez que ça appartient aux entretiens réalisés avec Monsieur Roger Cousin qui appartient à la première enquête dans le fond des récidives policiers. Donc quand vous cliquez dessus, vous arrivez directement au composant. Un petit souci. Donc, pour un autre résultat. Est-ce qu'il y a un niveau où on a l'enregistrement? Ah oui, oui. Donc, là, on a la description. Puis, quand on arrive à l'élémentaire, on a l'enregistrement lui-même. Vous avez l'enregistrement et la description. Parce que là, en fait, ça, j'avais demandé article de presse. C'est pour ça qu'il m'emmène, pardon, il m'emmène directement vers la transcription de l'article. Mais si vous demandez, je vais faire un autre exemple qui sera quand même plus parlant. Vous, c'est le cas de dire. Vous choisissez de chercher. Des composants sur l'affaire Benbarka. Voilà. Vous obtenez le même résultat. Vous cliquez sur le premier résultat. Vous allez avoir toujours pareil la description de l'enregistrement, un résumé des principaux thèmes abordés. Et là, vous avez l'enregistrement. Voilà. Et en fait, alors, ce sont des enregistrements qui ne sont pas libres de droit. Donc, qui ne sont consultables que dans l'emprise de la Bibliothèque nationale. Pour cela. Mais tous les fonds historiques de chez vous, vous les consultez via Gallica. Et là, quand on consulte le document lui-même, on l'entend ou on le télécharge ou comment ça se passe? On l'entend, parce que là, c'est sur les postes de la Bibliothèque nationale. Mais si on fait ça de l'extérieur? Tout ce qui est consultable, libre de droit, c'est sur Gallica. Donc après, vous fonctionnez dans... C'est ça que je ne connais pas. Donc, alors, attendez. Pardon, excusez-moi. Donc, je vais choisir un autre fond. Enfin, de toute façon, je reparlerai des liens vers l'humorisation. D'accord, non, mais si ce n'est pas dans le fil de votre exposé, c'est pas non, grave. Je vais juste montrer. Par exemple, on va prendre... C'était bon. On va prendre les Indiens qui sont rentrés. Hop. On va voyager un petit peu en Inde. Là. Alors, puisque j'y suis, je vais en profiter pour vous le dire. J'ai distingué les fonds historiques et je vous ai signalé qu'ils étaient traités dans le catalogue pour une bonne raison. C'est que contrairement au fond des policiers qu'on vient voir, où on décrit à l'enregistrement, à la retranscription, étant donné que ces fonds historiques sont décrits à la notice, au document dans le catalogue général, on fait ce qu'on appelle un miroir dans BAM. Donc en fait, c'est une description plus résumée. Donc, en fait, c'est pour ça que pour les enregistrements concernant le Shotanak pur, je ne vais pas faire un composant au disque. C'est pour ça que vous trouverez des choses un peu plus résumées, plus tassées, parce que en fait, les disques sont décrits à l'unité dans le catalogue général de façon très très précise. Donc c'était un peu difficile de refaire exactement le même travail. Donc vous retrouvez plus condensé. Donc en fait, pour illustrer votre question, vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement dans Gallica. Vous avez la reproduction d'étiquettes de disques et vous consultez comme de chez vous, clé. Voilà. Et mon écran n'est pas assez. Oui, non, c'est un monoface, donc il est inutile que je cherche ce second de façon. En fait, ça fonctionne tout simplement comme ça, et après, ça, vous le consultez de chez vous parce que c'est libre de droit. Mais par contre, tous les fonds qui ne rentrent pas dans cette condition, c'est ici et sur un poste. Et vous ne pouvez pas charger. Vous ne pouvez pas les télécharger. Oui, bien sûr. Donc, j'en étais à l'indexation. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais retrouver ma page. J'étais partie là-dessus. Donc, c'est le même système. Hein, vous cliquez dessus. Vous avez différentes informations qui sont indexées. Et vous avez des indexations par sujet, vous avez des indexations par personne, par date, par thème, et ainsi de suite. Et vous savez toujours à peu près où vous en êtes. Vous savez où vous en êtes dans l'IR. Vous avez le niveau supérieur qui est indiqué ici, et les niveaux qui vont suivre. En fait, vous avez la stricte équivalence dans l'arborescence. Voilà. Donc après cette indexation, qui bien sûr fait toujours rebondir sur le catalogue. Et qui est toujours signifié de façon un petit peu sibylline. Je vais essayer de retrouver mon PowerPoint. Donc ça c'est fait. Donc en fait l'indexation, comme j'ai essayé de vous le démontrer, est une étape assez importante. En fait, on ne fait pas l'indexation un petit peu au hasard comme ça. Il faut quand même avoir une sorte de recul sur les fonds pour savoir ce que vous voulez obtenir. Parce que si vous commencez à indexer, et puis bon, les fonds sont assez importants, faut avoir la mémoire des termes que vous avez choisis, comment vous voulez qu'ils s'affichent, quelle indexation est pertinente ou pas. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes sur un fond plus de linguistique, c'est peut-être plus important d'axer sur la langue que sur des sujets qui vont être récurrents. Un fond ethno-linguistique, ça va être toujours un petit peu des enregistrements parlés, du chant. Donc, on sait à la base que c'est un fond de chant et de chansons et de musique. L'indexation, quand même, la plus intéressante, peut-être que c'est sur les langues. Donc, il faut un petit peu avoir une stratégie d'indexation. Et bien sûr, dans cette indexation, c'est en faire ni trop peu, ni peu, ni trop. C'est-à-dire que si vous surindexez, vous allez avoir une infinité de résultats qui ne seront peut-être pas extrêmement pertinents. Et si vous oubliez d'indexer, votre instrument de recherche ne sera pas efficace. Donc en fait, ça c'est un travail qui est assez... Finalement, ça a l'air assez accessoire, mais c'est très important. Et le jeu, c'est être homogène, en fait. Oui, avec soi-même, déjà, de choisir comment on indexe. Donc en fait, il faut se faire un instrument de travail à côté. Parce que sur le temps de traitement, vous pourriez un petit peu varier sur la façon d'indexer et de faire très attention que les termes soient toujours indexés de la même façon. Ou vous indexez compte au singulier, ou vous l'indexez au pluriel, mais il faut choisir une bonne fois pour toutes. Sinon, vous allez avoir des déclinaisons d'index pas très... Bon, encore, si vous trouvez compte au singulier et compte au pluriel, c'est pas bien grave, vous les trouvez, mais c'est pas très efficace. Par exemple, en formulaire de recherche, si vous tapez compte... ça, on a remarqué, si vous tapez compte au pluriel, il vous dit qu'il y a zéro résultat. Ce qui n'est pas normal. Ça, c'est encore des petits soucis qu'on signale régulièrement. Mais c'est pour ça que l'indexation, c'est pas anodin, en fait. C'est vraiment ce qui va faire que votre instrument soit vraiment interrogeable et puis bien interrogeable, en fait. Si ça vous ennuie pas que je pose des questions non, maintenant, non, tant mieux. C'est juste sur ce sujet. Est-ce que, comme l'annexation est effectivement essentielle, et je me demande si elle ne dépend pas aussi du profil de l'utilisateur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas plus un moyen, est-ce que c'est prévu en tout cas, ou prévisible, de faire différents types d'indexation en fonction d'un profil d'utilisateur? Alors ça, c'est un... Non, mais si, parce que c'est généralement, ça occasionne une certaine frustration, c'est que ici on travaille sur un instrument, donc l'instrument qui génère les index, c'est Pléiade. Oui. Et Pléiade, il a été créé à la base pour manuscrits. Et en fait, on est des départements très différents qui travaillons dans un outil commun. Mmh. Donc en fait, on fait régulièrement des demandes de modification, d'évolution sur les options les fonctionnalités de Pléiade. Mais il n'y aura peut-être pas forcément le même résultat d'un chercheur qui fait son instrument de recherche et qui utilise un logiciel paramétré exclusivement pour son instrument de recherche. Il pourra demander une création d'index très fine, par exemple type de document, enquête linguistique. Enfin, il pourra être beaucoup plus fin dans les index. Et son indexation fine aura un résultat concret dans les index générés. Nous, on peut faire une indexation fine, mais comme je vous le montrais, il n'y a personne et personne sujet, c'est tout. Pourtant, j'indexe mes noms en collecteur, en éditeur, mais ça, c'est pas retransmis dans l'index. Et est-ce qu'il y a une évolution prévisible? Alors depuis un an, BAM est un peu le sujet de priorité de la Bibliothèque nationale parce qu'on est beaucoup à travailler dessus maintenant. Et du coup, on fait une espèce d'enquête des besoins des départements. Donc il y a une longue liste qui commence à s'établir de demandes d'évolution. Et donc d'ici la rentrée, il y aura un résultat. Et est-ce qu'il faudrait pas simplement qu'il y ait une couche dans Pléiade, une couche méta qui permettrait de définir les principes d'indexation? Ah mais c'est ça, c'est une évolution simplement comme ça. Hein. Là, c'est parce qu'on travaille dans un instrument qui a été prévu, qui a été conçu. Pour un type d'application. Pour les manuscrits. Par exemple, une chose très très bête, pour les lieux, pour indexer des lieux. Autant pour les manuscrits, ils ont lieu de production, enfin lieu d'atelier, des termes qui sont vraiment strictement réservés au domaine de la codicologie, du monde des manuscrits médiévaux, etc. Nous, on n'a rien au sujet, c'est tout. Il n'y a pas de nuance, quoi. Merci. Alors l'autre avantage de traiter ces fonds sonores. Fonds d'archives sonores sur ce catalogue, c'est qu'on peut faire des liens. Alors, mise en forme et publication, ça sera très rapide, hein, parce que ça, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, il n'y a pas de choses particulières à dire. Donc, en fait, créer des liens, c'est établir des connexions pertinentes. Alors, on a différents. Alors, ces connexions peuvent être intellectuelles très souvent, mais aussi matérielles, par exemple. Si un fonds est déposé à un endroit, mais qu'une partie de ses archives est conservée ailleurs, on peut créer le lien. Dire pour consulter la partie du fonds créée entre telle date et telle date, il faudra aller dans cette institution et renvoyer vers son site avec l'identifiant de cette partie de fonds. Voilà. Donc, il y a différents types de liens. Alors, interne à l'IR, donc vous restez dans votre fonds Pernod, par exemple, et externe, donc vers un instrument de recherche qui est contenu dans Archives et Manuscrits, d'un département collègue, ou d'un autre IR de votre service. Des instruments de recherche hors BAM, puisque beaucoup de gens qui produisent des archives l'utilisent, donc vous pouvez renvoyer vers un instrument de recherche de l'Institut de France, de la Mazarine, enfin toutes les institutions qui utilisent ce format de description. Vous renvoyez, comme on l'a vu, vers des notices de catalogue. Vous renvoyez également, comme on vient de le voir, vers des numérisations de documents. Alors nous, on renvoie vers Gallica, mais par exemple, si vous n'avez pas le document, je ne sais pas si vous voulez signaler que ce document est intéressant à comparer avec celui-là de la, par exemple, de la British Library, vous pouvez renvoyer vers le document numérisé de la British, comme ça vous, les gens peuvent circuler dans, et comparer les documents. Et vous pouvez tout simplement renvoyer vers des éléments utiles informatifs, le site web du producteur, un site qui est en relation avec la thématique de l'instrument de recherche. En fait, vous nourrissez votre instrument de recherche d'éléments extérieurs ou intérieurs, qui fait que votre fond existe tel quel, mais vous créez des liens intellectuels vers des sources qui peuvent être intéressantes pour la personne qui le consulte. Voilà. Alors, je vais vous montrer cette zone de notes, donc je vais repasser. Alors, j'ai fait des captures d'écran au cas où ça ne marche pas. C'est pour ça que je navigue toujours un petit peu entre les deux. Voilà, j'ai un petit peu beaucoup d'onglets. Ah si, je me rends compte que j'ai oublié de faire une remarque par rapport aux notices bibliographiques. En fait, quand je vous dis qu'on renvoie vers des catalogues, ça a son importance puisque, en fait, je ne sais pas si je l'ai dit, je pense que j'ai oublié, l'EAD n'est consacré qu'à l'inédit. C'est-à-dire que c'est des fonds d'archives. C'est-à-dire que vous ne décrivez pas des livres imprimés avec un ISBN dedans. Vous pouvez le signaler très brièvement. Si le livre faisait vraiment partie du fonds, par exemple dans un fonds de chercheurs, il a déposé aussi des ouvrages de sa bibliothèque, etc. Là, le livre fait partie du fonds, mais vous ne le décrirez pas, vous mettrez un titre, un numéro d'ISBN et c'est tout. Et là, vous renvoyez vers sa description dans un catalogue. L'EAD est consacré à l'inédit et pas à autre chose. Donc, dans le fond. Alors, comment on va enlever les onglets. Alors, dans le fond, par exemple, on va prendre l'exemple. J'ai choisi quoi comme premier. D'un entretien dans cette enquête de récidive de policier. Alors, qui est ici. Cette zone de lien, vous la voyez ici. Donc, vous faites une note et vous voyez qu'il y a un entretien avec M. Jean-Paul Mauriac qui s'est déroulé en 96. Mais vous voulez informer le chercheur ou le lecteur de l'instrument de recherche que ce monsieur a témoigné également en 2003. Au lieu de le contraindre à aller circuler dans l'arborescence latérale, vous créez le lien directement. Et ce sont des liens réciproques et vous revenez. Voilà. Donc ça aussi, c'est un côté plus pratique qu'un instrument de recherche papier ou PDF. Donc, vous circulez librement dans votre instrument de recherche. Autre type de lien. Alors là, je rechange d'hier, je crois. Vous allez avoir des liens donc vers d'autres IR. Vers d'autres IR. Alors je crois qu'aujourd'hui, il y a un petit problème technique sur les liens. Peut-être que c'est résolu depuis hier. Donc l'autre type de lien, non, ce n'est pas résolu. L'autre type de lien, ce sont des liens, donc je vous ai dit, vers d'autres instruments de recherche dans BAM. Donc ici, pour enrichir l'information sur votre collecte, donc c'est une collecte en Inde, qui s'est réalisée en Inde, vous pouvez ajouter que dans l'ensemble des fonds du département son de l'audiovisuel, vous trouverez également des enregistrements indiens dans le fonds de Ferdinand Bruno à différents niveaux, au niveau des instruments de folklore musical, mais aussi des enregistrements parlés. Donc vous savez d'emblée que vous avez du chanter et du parler dans des dialectes indiens. que vous en trouverez dans l'Idon Pâté. Vous en trouverez du même IR, vous en trouverez dans les enregistrements de la Sorbonne, non pas du Mission, et que vous en trouverez dans l'exposition coloniale. Donc, en temps normal, ces liens sont actifs et vous circulez exactement de la même façon. Donc, par contre, si ce n'est pas le même IR, est-ce qu'ils sont réciproques aussi ? Le catalogueur crée la réciprocité. D'accord. Donc, si vous le faites simplement dans un sens, il ne fonctionnera pas dans l'autre. Il faut vous créer la réciprocité. C'est-à-dire que dans l'instrument de recherche où vous arrivez, vous créez un lien vers l'instrument, vers le composant d'où vous venez. Voilà. Bah, si c'est dans le même IR. Mais si ce n'est pas réciproque, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que vous perdez le chercheur dans l'IR. Oui. Voilà. Alors, les autres types de liens dont je vous avais parlé, il y avait également. Alors, j'essaie de le retrouver, c'est mon dédale. Vous aviez. J'essaie de trouver un exemple où il y en a. Dans la mission, vous aviez les liens bibliographiques. Donc. Oui, je suis désolée, je suis encore une petite parenthèse dans ce que je vous expliquais, que les fonds historiques sont également catalogués sur le catalogue général, qui fait qu'ils sont traités en miroir. Pour que ça soit plus facile pour le chercheur, on renvoie vers la notice d'ensemble des disques, notice d'ensemble que je vous ai montré au tout début, qui renvoie sur l'ensemble des notices bibliographiques, quand même pour faciliter un petit peu les choses, que tout le monde n'a pas l'habitude de chercher dans un catalogue. Donc on crée un maximum de liens utiles et qui facilitent un petit peu la vie de la personne qui consulte l'instrument de recherche. Donc après, vous avez les liens biographiques, hein, je vais pas rebondir à chaque fois parce que ça fonctionne toujours de la même façon. Donc au niveau des livres, vous créez des liens dans un catalogue, donc ici c'est le nôtre. Vous créez également, donc ce qu'on avait regardé tout à l'heure, vous créez un lien. Vous créez un lien vers le disque. Vers la numérisation de l'enregistrement original. Vous créez également, je crois que j'ai fait le tour, non, j'ai pas fait le tour. Vous créez des liens, comme je voulais, pour enrichir le fond, vous créez des liens, je n'arrive pas à trouver. Voilà. Par exemple, dans le cas de cette collecte, les enregistrements sont également disponibles à l'Université de Chicago. Donc vous créez, dans un souci aussi éthique, parce que c'est quand même l'université qui conserve à l'origine le fond. Et en plus, l'intérêt, c'est que cette collection, il nous manque des disques, mais on a des disques qu'ils n'ont pas. Donc de toute façon, pour que le chercheur ait une vision intégrale de la collection, c'est obligatoire de renvoyer vers les institutions qui contiennent également ces disques-là. Donc vous renvoyez, là c'est le cas du lien vers un site, vous renvoyez directement au site de l'Université de Chicago. Et si possible, de plus en plus au plus précis, c'est-à-dire vous ne noyez pas la personne en la renvoyant sur le site, la page de présentation de la bibliothèque, vous l'envoyez directement sur la page qui concerne la collecte. Donc après cette présentation qui se voulait de moins en moins technique mais un petit peu plus vivante, je vais essayer de vous faire une espèce de petit bilan de l'intérêt. De traiter ces fonds sonores dans l'UAD. Bon, alors on a vu que ces fonds étaient traités dans leur globalité, c'est-à-dire globalité dans l'histoire d'une collection propre à un service, c'est-à-dire qu'on vous décrit tous les fonds qui constituent et vous voyez comment ils s'articulent. Hein, tout simplement, au niveau de la page de présentation, vous voyez la chronologie, vous voyez les différentes directions, et ainsi de suite. La globalité aussi au sein d'un même IR, ça vous avez tous les documents décrits, classés, articulés, quel que soit leur type, disque, papier, tout est identifié, tout est classé, et tout est mis en relation. Vous avez les documents transcrits qui vont avec le bon enregistrement, et vous ne pouvez pas vous perdre dans cet instrument de recherche. Par le côté assez souple de ce format, des balises, vous pouvez quand même décrire très précisément un contexte de production, un caractère, la notion de temporalité archivistique du fond, c'est-à-dire que vous pouvez quand même restituer les événements, respecter la façon dont est fait le fond dans le temps, et vous pouvez aussi restituer la démarche du fond. C'est-à-dire, par exemple, pour les fonds historiques, vous allez, comme je vous ai présenté en tout début, vous allez voir qu'au début, il y a essentiellement des instruments, des documents de français. Puis vous allez voir que les collections s'ouvrent vers des documents plutôt plus à l'étranger, plus musicaux que les premiers fonds décrits. Vous allez voir, par exemple, dans un fonds plus récent, des policiers ou de façon future de Leslot, c'est un fonds qui fonctionne par enquête, par personne. Vous allez pouvoir déjà amorcer un travail pour le chercheur qui consulte l'instrument de recherche. Vous allez déjà expliquer la constitution du fond. Vous allez pouvoir décrire donc assez finement votre fond sans se répéter. Vous faites de votre fond d'archives, vous créez pour votre fond d'archives un véritable index de recherche le plus efficace possible, hein, qui peut demander de travailler ou retravailler pour qu'il soit performant. Vous mettez donc en interaction les documents dans un même ailleurs, mais avec d'autres fonds d'archives, et donc vous enregistrez les contenus. L'autre côté intéressant de ce format pour ces fonds, hein, du choix du catalogue d'archives et manuscrits pour ces fonds, d'un point de vue un petit peu plus technique, les instruments de recherche sont pas, vous pouvez les enrichir, les faire évoluer. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez dans un premier temps signaler un fond, dire en gros ce qu'il contient. Vous pouvez dire que pour toute consultation, il faut contacter le service des documents sonores, des choses comme ça. Vous en donnez une très bonne déjà signalement quand même pour que les gens sachent quoi y trouver. Mais vous pouvez aussi au fur et à mesure rajouter des enregistrements numérisés, vous pouvez rajouter des liens, vous pouvez rajouter beaucoup de choses. L'instrument n'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire qu'il peut évoluer, il peut vivre aussi. Par exemple, des fonds qui sont versés en plusieurs fois. Vous avez un premier versement de documents, comme pour le fonds des archives socialistes, le fonds n'est pas fermé. Il y a eu plusieurs dépôts, mais on sait qu'un autre dépôt va avoir lieu. Donc vous signalez votre fonds comme ouvert, que les versements ont été effectués à telle date, mais qu'on attend d'autres versements. Les gens, ça, vous informez le chercheur que des choses qui vont arriver relatives à votre fonds. Donc j'avais marqué qu'il évitait l'obsolescence technique. C'est-à-dire comme le format XML, c'est quand même un format très utilisé. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est déjà beaucoup plus, c'est un format plus pérenne que simplement un PDF ou un instrument papier qui risque de s'envoler, brûler, être pas diffusé. Alors, théorique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formats sur lesquels vous avez hésité avant de se mettre sur le AD? Je crois que non, ils n'ont pas beaucoup hésité parce que je suis un petit peu gênée pour répondre. Ça, il aurait fallu que consulter un petit peu les gens, les informaticiens, etc. Mais Pléiade était vraiment, le AD, c'était vraiment devenu la norme pour décrire les descriptions. Après, ça peut évoluer, hein, les choses évoluent, mais c'était vraiment le format privilégié que quasiment tout le monde a adopté. Dans les institutions et tout ça. Il y avait un premier format marque pour les archives qui n'était pas satisfaisant. Et c'est vrai que si vous regardez les fonds d'archives des 10 dernières années, vous allez tomber beaucoup, souvent sur Pléiade, et, en tout cas en France, et c'est quasiment les mêmes systèmes de description. Ce qui va changer, c'est une feuille de style, une apparence, mais sur le principe. Après, c'est des questions aussi d'affiner un outil en fonction des besoins d'une institution. Hein. Vous soyez à la Mazarine, à l'Institut français, vous n'aurez pas exactement toujours les mêmes fonctionnalités. aussi fine, aussi. C'est un outil qui est adapté à la maison qui l'accueille aussi. Mais moi, je n'ai vu. Enfin, pour moi, comme c'était ce qui a été adopté pendant ces 10 dernières années. Quoi. Est-ce que tous les semaines, on trouve différents. Oui, vous avez différents formats. Vous avez l'XML.